Le message qui suit est de haute importance. Posez-vous, détendez-vous. Et maintenant, écoutez. La fête des saints populaires de Radio Arc-en-Ciel est de retour. Le samedi 6 et le dimanche 7 juillet. Au parc de Lignerolles, à Fleury-les-Aubrais. Pour cette nouvelle édition, nous avons sélectionné pour vous des artistes de différents styles musicaux. La soirée du 6 juillet démarre avec Os Bombos Os Amigos de Portugal, suivi du DJ Frankie, puis le groupe Capanegra. Et pour la première fois à Orléans, la jeune artiste Danielle Henrique. Non faças com ela o que fazias comigo. Le dimanche 7 juillet, nous vous proposons un après-midi dansant avec le groupe Fréquence pour la première fois à Orléans. Ensuite, la scène du parc de Lignerolles accueillera les artistes suivants. Carla Blondi. Ruizinho do acordeão. Os maravilhas. Tereza Carvalho. Ah, comadre Maribenta, seu garoto está melhor. O mal não é tão forte que o faça estar pior. Ah, comadre Maribenta, seu garoto está melhor. O mal não é tão forte que o faça estar pior. Gabi Fernandes. Porquê que tudo tem que ter fim? Queria ser surdo para não te ouvir. Le dimanche matin, en fin de matinée, nous aurons Os Bombos Os Amigos de Portugal pour égayer et réveiller notre fête. You got me in love. Non, non, non, on n'a pas oublié. Les Combes e Bebes seront bien évidemment des éléments incontournables pour la réussite de cette fête traditionnelle portugaise. Plusieurs restaurateurs seront présents pour vous proposer une large variété de spécialités culinaires. Alors, venez nous rejoindre pour vous restaurer dès le samedi soir et le dimanche toute la journée. C'est de tradition. Et Radio Arc-en-Ciel ne brisera pas cette tradition. Fin des festivités vers 19h avec l'intervention d'Os Bombos Os Amigos de Portugal. Deux jours de fête, de convivialité, de bonne humeur, dans un cadre verdoyant. En bref, si vous souhaitez vous amuser, faire la fête, danser entre amis, en famille, la fête incontournable de l'agglomération orléanaise se déroulera le samedi 6 et le dimanche 7 juillet au parc de Lignerolles à Fleury-les-Aubrais. Et on compte sur vous. Une organisation Radio Arc-en-Ciel. Thank you. fin d'après-midi à tous et bienvenue dans l'univers des musiques traditionnelles, des musiques du monde, des musiques qui se chantent, qui se dansent et qui font voyager, qui font rêver aussi parfois, comme le titre qu'on vient d'entendre, qui était un titre de Rémi Geffroy, ça s'appelait Rio Rime, tout simplement le mot miroir écrit en miroir, écrit à l'envers, extrait de l'album En Septet de Rémi Geffroy, et je crois qu'il y en a un nouveau qui est en préparation ou qui sortira en 2025. En Septet toujours pour Rémi Geffroy. C'est une nouveauté que je vous propose tout de suite pour commencer cette dernière émission de la saison. Voilà, ensuite ça va être un petit peu de repos, on se retrouvera au mois de septembre. Le groupe Fleuve, le groupe breton, avait annoncé un album qui devait au départ sortir cet été, il ne sortira qu'en octobre, mais il y a déjà une vidéo qui est sortie avec un titre pour annoncer la sortie de l'album. Voici le groupe Fleuve avec le titre Loutia. Voilà, c'est la formation Fleuve qui annonce la sortie de son tout nouvel album. Ce sera le troisième pour cette formation et ce sera au mois d'octobre. Et la vidéo que je vous ai proposée est sortie il y a tout juste une semaine. On poursuit avec un groupe que j'ai découvert il y a quelques semaines. Pourtant, c'est un groupe qui a déjà pas mal d'années d'existence. Mais c'était pour moi la première occasion de les voir. C'est la formation Tram des Balkans. Voici le titre Swing Hat Paradise. Vesako zavakameni virima, kruglikot njeknika kjer zavod. Bikin je sigra tiplo, šapanska je rikoj. Bravo, riadni, vsiedni, bažitele. Vesako, zava, kameni, virima, krugli kot, njepnika, kjer zavod. Vykinje, sigra, ciplo, šapanska je rikoj. Bravo, riadni, vsiedni, bažitele. Знает большевик, некоторые он оптики не знал так. C'était Tram des Balkans et on poursuit avec quelque chose d'assez ancien, le groupe Tarif de Nuit avec des musiciens qui sont tout de même assez connus comme Thierry Noua, entre autres, qu'on retrouve dans la formation ZEF. Qu'on a pu retrouver il y a pas longtemps sur la région. Et sur cet album de Tarif de Nuit, il y avait le titre La Cabale, les Matines, Dr Feg, avec trois compositeurs tout de même de renom, Stéphane Durand, Gilles Chabna et Nigel Eaton, pour ce titre proposé par Tarif de Nuit. Thank you. La saison 2023-2024 s'achève. Une saison qui fêtait les 30 ans d'existence de l'émission. Et ce titre de Ta rêve de nuit datait de 1998 sur l'album Bistro Swing. On poursuit avec une nouveauté. C'est le nouvel album de La Belle Image. Vous connaissez sans doute cette fanfare Latino Roots qui mêle ses rythmes à de la danse, à des mouvements, à des déplacements. Et le nouvel album de la formation La Belle Image s'appelle tout simplement Movimiento, le mouvement, puisque c'est leur un petit peu leur marque de fabrique. On retrouvera la belle image le 14 juillet prochain. Ce sera à la guinguette de Saint-Jean-de-Bray. En attendant, voici un petit extrait de ce nouvel album de La Belle Image. Voilà, on retrouve rarement sur les grandes scènes le style musical de l'émission traditionnelle. Par contre, on le retrouve assez souvent dans les guinguettes. Et donc, La Belle Image sera le 14 juillet à la guinguette de Saint-Jean-de-Bray. On retrouvera à la Bamboche la formation La Petite Boutique. Ce sera ce vendredi, le 5 juillet, journée d'ouverture de cette guinguette La Bamboche. Alors, ne manquez pas La Petite Boutique. Malheureusement, pas d'enregistrement à vous proposer pour cette formation. Alors, on va aller chercher bien plus loin en arrière, dans les années 70. C'est le titre que nous propose le trio EDF. C'était dans les années 70, on était jeunes, on était beaux, on était vifs. On faisait la fête, le cœur joyeux, cœur à vif, dans les bistrots, les festounours et les manifs. Sur toutes les routes, tous les chemins, on chantait, violon à la main, et on raclait de nos hachettes. Des jigs et des rilles, la la la la la la la. C'est vrai que c'était un peu faux, et ça n'a pas beaucoup changé depuis les années 70. Hey! Thank you. voici bientôt en 2010, un peu moins jeune, mais toujours beau et toujours vif. On s'en va toujours de la Bretagne à la Galice, le monde est si grand, plein de parfums, plein d'épices. Ces 40 années qui ont filé comme le vent, ces 40 hivers, autant d'automne et de printemps. Au fond de nos cœurs fleurit l'été tout le temps. Un grand coup d'argent, revoilà comme par enchantement. Les belles années 70. Hey! Et voilà, ça coupe un petit peu brutalement. J'étais en train de vous chercher quelques dates de plus pour La Belle Image, puisqu'on les retrouvera le 31 août à Chessy, le 13 septembre au festival Bouton d'Art qui fêtera son anniversaire, ce qui se passe du côté des Blossières à Orléans. Et on retrouvera La Belle Image avec ce nouveau spectacle Movimiento du côté du campus à Orléans. En la source, et ce sera le 19 septembre. Voilà, on aura peut-être l'occasion de reparler de quelques-unes de ces dates au retour de l'émission traditionnelle. Ce sera début septembre. Et puis, sinon, n'hésitez pas à aller faire des petites recherches par vous-même sur les sites des différents groupes. Mais c'est vrai que ça prend toujours un petit peu de temps. Je vous propose de poursuivre avec la formation Eriwen, une autre formation que j'ai découverte tout récemment, un album qui vient tout juste de sortir. Voici Eriwen avec Théodoufol. La formation Bio pour ce titre assez musclé et d'ambiance celtique. Vous êtes toujours à l'écoute de Traditionnel sur le 96.2 de Radio Arc-en-Ciel. C'est la dernière émission de cette saison et il y a encore quelques nouveautés que l'on a découvert au cours des dernières semaines. La formation Illa a sorti son premier album. Voici le titre, Le Loup et Trois Moutons Noirs. Thank you. Et c'était la formation Illa avec des musiciens dont certains viennent de la formation Djal qui s'est arrêtée il y a quelques mois. On va poursuivre avec Chiva Rumbera. C'est une formation que l'on retrouvera à la guinguette de Baule, à la guinguette d'Olivet le 5 juillet prochain. À la Bamboche, on retrouvera cette formation Chiva Rumbera et ils ont appelé ce morceau La Chorilla del Loire, c'est-à-dire les rives de la Loire. Elle était du type sanguin, elle garçon de Gaine qui s'était fait mal au rein en passant par la Lorraine. Quand il mangeait du lapin, ça lui faisait de la peine. Seule Hélène aimait Alain autant qu'Alain aimait Hélène. Seule Hélène aimait Alain comme aimait Alain. Seule Alain aimait Hélène autant qu'Hélène aimait Alain. Seule Alain aimait Hélène comme aimait Hélène. Il vivait à Saint-Quentin, elle avait la cinquantaine. Il avait été indien, elle avait été hétérogène. Il ne buvait que du vin, il en avait plein les veines. Il n'était jamais à jeun, sauf quand elle était à gêne. Seule Hélène aimait Alain, autant qu'Alain aimait Hélène. Seule Hélène aimait Alain, comme aimait Alain. Seule Alain aimait Hélène, autant qu'Hélène aimait Alain. Seule Alain aimait Hélène, comme aimait Hélène. La cinquantaine, il appuyait sur le frein, ça la rendait schizophrène. Il roulait à 80, se saignait aux quatre veines. Il aimait beaucoup Michelin, elle aimait beaucoup l'hygiène. Seule Hélène aimait Alain, autant qu'Alain aimait Hélène. Seule Hélène aimait Alain, comme aimait Alain. Seule Alain aimait Hélène, autant qu'Hélène aimait Alain. Seule Alain aimait Hélène, comme aimait Hélène. Seule Hélène aimait Alain, autant qu'Alain aimait Hélène. Seule Hélène aimait Alain, comme aimait Alain. Seule Alain aimait Hélène, autant qu'Hélène aimait Alain. Seule Alain aimait Hélène, comme aimait Hélène. Seule Hélène aimait Alain, autant qu'Alain aimait Hélène. Seule Hélène aimait Alain, autant qu'Alain aimait Hélène. Si vous en avez l'occasion, allez danser avec les Tralala Lovers. Vous danserez comme dans un bal folk, mais avec beaucoup d'humour, comme dans ce titre, Hélène et Alain. On va tout doucement vers 19h et ce sera en compagnie de la Mossa, extrait de l'album Moss. Voici une chanson en français, un traditionnel français. Il n'y en a pas eu beaucoup aujourd'hui. Avec un arrangement d'Evelyne Girardon, voici Sur la colline. Sur la colline, tout là-haut, la belle garde son troupeau, elle s'est endormie. La belle, ne vous endormez pas, car la terre est humide. Allez-vous-en à la maison, vous y verrez les amoureux, soyez sages et prudentes. Et ne dites pas toujours oui, comme une fille innocente. Thank you. groupe incontournable de la chanson traditionnelle française, c'est la formation Roulez Fillettes. Elles avaient sorti à une époque deux albums, je crois, et puis le groupe s'était dissous. On les retrouvera cet été sur le festival Etlinde-Boom. C'est un festival qui a lieu dans le nord de la France, et il y aura un spectacle où on retrouvera cette formation Roulez Fillettes. En attendant, je vous propose de retrouver un inédit, puisque c'est un album qu'elles avaient enregistré et qui ne figure sur aucun album. Les Trois Cavaliers, un titre de Mylène Favennec. Mylène Favennec, on l'a entendu tout à l'heure, c'était un des trois chanteurs de la formation du trio EDF, c'est le F de Favennec. Et voici donc Roulez Fillettes avec Les Trois Cavaliers. C'est sur la route, sur la route, il y a trois cavaliers passants. C'est sur la route, sur la route, il y a trois cavaliers passants. Il y a trois cavaliers passants. Aussi la belle en robe d'amour qui fait son tour. Il y a trois cavaliers passants. Aussi la belle. Aussi la belle en robe d'amour qui fait son tour. Le premier dit à la demoiselle, j'ai plus que 10 trésors aux yeux. Le premier dit à la demoiselle, si les vôtres s'accordent au mien, nous irons mieux. J'ai plus que 10 trésors aux yeux, si les vôtres. Si les vôtres s'accordent au mien, nous irons mieux. C'est sur la route, c'est sur la route, il y a trois cavaliers passants. C'est sur la trois cavaliers passants, aussi la belle, aussi la belle en robe d'amour qui fait si la belle en robe d'amour qui fait. Il y a trois cavaliers passants, aussi la belle, aussi la belle en robe d'amour qui fait son tour. Le second dit à la demoiselle, j'ai plus que 10 forêts. Second dit à la demoiselle, j'ai plus que 10 forêts en feu. J'ai plus que 10 forêts en feu, entendez belle. Battons le ciel, battons le ciel, c'est un beau jeu. J'ai plus que 10 forêts en feu, entendez belle. Battons le ciel, battons le ciel, c'est un beau jeu. Sur la route, c'est sur la route, il y a trois cavaliers passants. C'est sur la route, sur la route, il y a trois cavaliers passants. Il y a trois cavaliers passants, aussi la belle, aussi la belle en robe d'amour qui fait si la belle en robe d'amour. Il y a trois cavaliers passants, aussi la belle, aussi la belle en robe d'amour qui fait son tour. Le troisième dit dans son langage, j'ai plus que 10 silences au cœur. Le troisième dit dans son langage, j'ai plus que 10 silences au cœur. Car j'ai le cœur trop vagabond dessus la terre. Il y a 100 000 cœurs, 100 000 cœurs d'amour qui font leur tour. Car j'ai le cœur trop vagabond dessus la terre. Il y a 100 000 cœurs d'amour qui font leur tour. C'est Un titre de Marc Perron, c'était le titre Esperanza, interprété ici par quatre musiciens, Sissoko, Segal, Parisien et Perani. Petit tour par le Québec, si vous êtes des habitués de l'émission, vous savez que j'aime bien vous y emmener de temps en temps. Voici la formation Vent du Nord et le titre Le Navire de Bayonne. Thank you. paraît beau vendredi, nous étions partis de l'Espagne pour aller en France à Paris sur un grand navire de Bayonne. Nous ne fûmes pas rendus pour l'âge que le vent vira sur ce roi. Il a fallu crimer nos voiles pour se mettre face à ce danger. Faisait un si grand vent, mon Dieu, la si grande tourmente. La moitié de nos gens pleuraient, les autres chantaient des louanges. Les autres chantaient des louanges et priaient Dieu à haute voix. Messieurs, donnez-vous bien de garde que le navire vire en travers. Nous avons pris un coup de mer sur le pont de notre navire. Les dalles ne pouvant plus fournir, coupons le grand mât, je vous prie. Coupons le grand mât, je vous prie, et jetons les canots dehors. Gardons le reste de nos voiles pour ensevelir nos pauvres s'est avancé étant le maître du navire. Tant que je vivrai ou que je mourrai, mon grand mât sera ma compagnie. Courage mes enfants, courage, notre navire gouverne bien. Faisons un vœu, je vous en prie, tandis que nous en avons le moyen. Ils se sont jetés à genoux priant la divine Marie et notre grand Saint-Nicolas de vouloir nous sauver la vie. Une grande messe nous ferons dire à notre bon rassemblement. Dans la chapelle de Notre-Dame, nous prierons Dieu avec dévotement. Quand m'a composé la chanson, c'est le pilote du navire. Il l'a composé tout du long, c'est en traversant ces îles. C'est à vos autres gens de France qui naviguent sur la mer. Naviguez-y avec prudence, surtout dans les temps rudes de l'hiver. Parler un petit peu des guinguettes cet été. Eh bien, aux guinguettes, on pourra retrouver la formation Décibal et on pourra les retrouver deux jours de suite puisqu'ils seront le 11 à Saint-Jean-de-Bray et le lendemain à la guinguette La Corne des Pâtures à Bôle. Alors, si vous aimez la formation Décibal, ses chansons et ses thèmes qui nous viennent du Berry, ne les manquez pas. Pour l'instant, c'est avec la formation Blonde aux Rousses que nous poursuivons. On avait découvert leur nouvel album, c'était à l'occasion de la Saint-Patrick. Voici le titre « Bobbing Joe ». Thank you. nouveauté qui sortira cet été, c'est l'album de la formation Tchak Boom, enfin du moins c'est ce qui était annoncé. Voici un premier extrait pour nous aider à patienter la sortie de cet album. Voici la formation Tchak Boom avec le titre 1100. Nous étions 1100 Tchak Boom. As-tu vu ce cortège? Bon, de là, quelle belle noce! De la terre et de l'eau, la chaline et du vent. De femmes jeunes ou vieilles, de voisins et leurs gosses. De chevreuils ébahis et des oiseaux chantant. Nous sommes venus nombreux du fond de nos villages, des villages que nos vieux ne reconnaissent plus. Ils ont été vidés et vendus nos campagnes à la spéculation qu'on ne rassasie plus. Nous étions cent, nous étions mille, nous étions mille et cent. Nous étions cent, nous étions mille, nous étions mille et cent. Nos vassalanes, nos vassalanes, nos vassalanes. Armés de nos chansons, tapant sur nos avancer au plus près de l'autel, une grande bassine pour emprisonner l'eau, un gros cratère vide gardé par des robots. Puis ce fut le fracas, puis ce fut le chaos. S'abattait sur les gens. Au loin, soudain, j'ai vu un vol de perdreaux. Affolé, apeuré par l'odeur du sang. Nous étions cent, nous étions mille, nous étions mille et cent. Thank you. Voilà un titre un peu grave peut-être avec donc le nouvel album de Tchak Boom qui s'appelle Epoural et qui était prévu pour juin 2024. Je ne sais pas exactement s'il est sorti ou non. Je vous propose de retrouver quelque chose d'un peu plus festif avec Radio Tutti et Barilla Sisters. Voici Adios Moreno. C'est un extrait de l'album Shogo de la formation Radio Tutti et Barilla Sisters. Et voilà, il est l'heure de se quitter. C'est avec Hot Griselda qu'on va se quitter aujourd'hui. On va se quitter pour quelques semaines. Je vous souhaite de passer un très très bel été. Prenez soin de vous. Allez écouter de la musique, aller danser, aller profiter des spectacles vivants qui vous sont proposés un peu partout, en région ou ailleurs. Et j'espère vous retrouver en pleine forme à la rentrée prochaine. Haute Griselda, pour se quitter, c'était Violette en votre compagnie, c'était traditionnel. Et je vous dis à très bientôt. Votre soirée se poursuit avec les programmes de RDP International. Bonne soirée à tous et bonne fin de semaine. Hora Errante dos Divas. Estamos muito pouco tempo de nos